L'Agence des relevés centrales de Corée a publié un commentaire sous le titre « Expression du sentiment de rejet invétéré et de l'hostilité ». Le commentateur écrit notamment « Dans son rapport sur l'état des droits de l'homme des pays 2016, publié le 3 courant, le département d'État américain a énuméré des soi-disant données sur on ne sait quel problème des droits humains en Corée, tout en la définissant comme état dictatorial ». Le département d'État, organe de la politique extérieure des États-Unis qui se disent superpuissance, considère comme un fait établi les paroles des fuyards du Nord, déchets humains et coupables qui ont trahi leur patrie, leur nation et même leurs parents et frères, en vue de déshonorer l'État souverain. C'est vraiment l'expression du sentiment de rejet et de l'hostilité invétérée des États-Unis envers notre idéologie et notre régime. Pladis, organe d'information sur la traite des êtres humains, vient de publier un rapport selon lequel le trafic des êtres humains aux États-Unis s'est accru de 35,7% en 2016 par rapport à l'année précédente, ce qui montre clairement la situation lamentable des droits de l'homme aux États-Unis. Il est absurde que les États-Unis, au sud de la ruine, à cause de l'extrême enrichissement des riches et de l'extrême appauvrissement des pauvres et des maux sociaux de toutes sortes, cherche chicane à notre régime socialiste où les masses populaires laborieuses jouissent à souhait de la liberté et des droits politiques authentiques en menant une vie heureuse. Nous rejetons la campagne démagogique américaine autour des droits de l'homme contre la Corée et suivrons de pied ferme la voie de l'amélioration des droits de l'homme authentiques à notre manière, choisie par le peuple lui-même.